Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'Apostrophe est heureuse d'accueillir Jean-Christophe Meurice et le collectif des Chiens de Navarre en résidence à l'Apostrophe depuis septembre 2014. Avec ce spectacle, les danseurs ont apprécié la qualité du parquet. Voilà, je vais laisser Jean-Christophe Meurice nous dire quelques mots. Et puis, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Il y a deux micros qui circulent dans la salle. Voilà. Un, deux. Merci à vous. Ouais, je vais pas partir dans un monologue parce que c'est pas trop mon style. J'aime bien discuter avec vous. Juste, les danseurs ont apprécié. Après, peut-être c'était la première fois pour certaines personnes qui voyaient notre travail des Chiens de Navarre, mais on est venu ici avec Quand je pense, Qu'on va vivre ensemble, Les Armoires normandes. Hein? Et celui-ci, c'est un spectacle très très particulier parce que. Dans l'histoire, parce que ça a été créé en 2012 ou 2013. C'est une reprise qu'on refait en tournée IDF, Île-de-France. Et comment dire, il est spécial parce que, comme vous, je ne sais pas si vous connaissez les spectacles précédents, on est très bavards sur scène, on est des bavards improvisateurs. Et là, donc, à ce moment-là, on en avait marre de bavarder. Et on s'est dit, on a enlevé la table. Et qu'est-ce qu'on avait envie de faire? On avait juste envie de danser, alors qu'on n'est pas du tout danseur. Aucune des personnes que vous avez vues sur le plateau ce soir n'est danseur de formation. Ce sont tous des comédiens. Et on avait envie, dans ce premier degré, pas en étant moqueur du tout de la danse, dans lequel d'ailleurs je suis un peu novice, on avait envie de, comme, juste pour vous raconter l'origine du spectacle, comme un peu, vous savez, cette peut-être, l'image qui me revient, c'est dans un film où il y a cette petite fille qui a peut-être un peu d'embonpoint, un tout petit peu, et qui a pas pu rentrer à l'opéra, et qui fait quand même ses pointes dans la salle de bain, parce que c'est l'élan, quoi, c'est l'envie quand même de danser, même si on n'est pas danseur. C'était ça notre origine. Et donc après, bah voilà, vous avez vu, c'est une revisite à notre manière de l'histoire de la danse par des non-danseurs. Donc ça, c'était pour comment dire, vous raconter l'origine qui date de 2012 déjà. Voilà. Là, on est en première de reprise. Que vous dire de plus? Ben non, si vous avez des questions. Pourquoi si court? Écoutez, le spectacle est sur deux parties, fait 57 minutes. Là, pour le coup, il n'y a pas d'improvisation, malgré qu'ils improvisent quand même pendant qu'ils dansent. Je ne sais même pas s'ils peuvent, quoi, parce qu'ils ne sont pas danseurs. C'est le problème, c'est que, comment dire, peut-être il y a une... Ils arrivent au bout de l'énergie. Non, j'insiste sur ce fait-là, parce que c'est une sortie d'autoroute pour nous. C'est un geste très particulier. C'est une forme de culot qu'on aime bien dans la compagnie, de devoir se dire, on va danser, nous qui ne sommes pas danseurs. C'est un... Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais c'est cette chose-là de vouloir essayer, mais en même temps, il y a bien des danseurs aussi qui jouent, ou qui essayent. C'est du même acabit. Et surtout... se taire, ne rien dire, juste danser. Mais oui, c'est court, une heure, oui, je sais. Mais c'est ça, on n'a pas changé depuis la création. On n'a pas ajouté de... On n'a pas allongé. Si vous avez d'autres questions... Tout en haut, là. Tout en haut. Bonsoir. Ah oui, il y a d'abord... Oui. Bonsoir. Le micro... À court, là, en bas, il ne marche pas. Peut-être amener son micro. Aidez-la, peut-être. En fait, c'était pour vous dire que j'ai un peu aimé, mais en fait, je n'ai pas compris pourquoi vous avez dansé, genre, pourquoi ils ont dansé nus. J'ai trouvé ça bizarre, en fait. C'est une question, bah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est bizarre d'être tout nu. Non, mais... Ça nous arrive tous les jours, mais en même temps, on ne se rend pas compte. Mais la nudité, c'est quelque chose. Non, mais je comprends. Parce que, tout simplement, déjà, parce que j'aime bien. Parce que je trouve ça aussi drôle que touchant. Ça dépend des moments, parce qu'il y a plein de fois, ils sont nus quand même. Enfin, pas plein de fois, mais. Si, deux, trois fois. Pourquoi? Parce que je peux pas vous dire mieux, parce que j'aime bien l'enfance. Que ça peut dégager. Alors, ça dépend des... ça dépend quelle scène. Hein. On est bien d'accord. On parle pas d'enfance quand il y a la partouze. Mais en tout cas, pour le dernier soliste, Thomas Simeka, comment dire, il y a quelque chose que j'aime dans ce... Moi, c'est comme ça que je le ressens. Après, les interprétations sont multiples, c'est bien, c'est pas bien. Vous avez ressenti, pas ressenti, ça reste subjectif à chacun. Mais moi, j'aime bien parce que j'ai l'impression de voir quand il avait 7-8 ans et qu'il dansait comme ça au soleil dans les champs. Enfin, quand on est enfant, on se pose pas la question de la nudité. C'est vrai que c'est ça qu'on essaye toujours de chercher, quoi. Mais après, que ça puisse gêner ou contrarier, bon, c'est toujours un miroir à soi-même d'une certaine manière. Mais alors, bah, c'est quelque chose chez nous, les chiens de Navarre, la nudité de toute façon, c'est pas. Non, on n'est pas les seuls, mais en tout cas chez nous, il y a une manière non sérieuse de vouloir le faire, parce que souvent je vois la nudité, comment dire, au théâtre, et elle est sérieuse. Et pour le coup, chez nous, elle est de manière peut-être plus légère, enfantine, burlesque, drôle, je ne sais pas. Moi, j'avais une question. Oui. L'année dernière, vous avez fait sur un socle de sable, et là, vous avez mis de la terre. La toute première fois, je ne savais pas ce que vous avez mis. Mais vous prévoyez quoi pour l'année prochaine? Et ça, je ne sais pas encore. Sans spoiler. Hein. Ouais, peut-être un autre sol, mais en tout cas, j'aime beaucoup les sols. Ouais. J'aime bien le naturel des sols. Ouais. Oui, oui. Le sable, la terre, l'eau. J'aime bien les éléments naturels. Je trouve que ça. J'aime bien l'odeur, j'aime bien tout ça. Je ne sais pas où vous êtes. Là. Qui a posé la question? Là-haut. Ah oui. D'accord. Et je voulais dire aussi que c'était totalement différent de l'année dernière, puisque l'année dernière, c'était vraiment, vraiment dans la parole, mais c'était toujours aussi expressif. L'année dernière, c'était beaucoup dans l'expression de la mimique par rapport à une voix qui n'était pas forcément dans la sienne, mais là, c'était de la mimique simple et c'était génial. Mmh. Merci Bravo. Beaucoup. Merci. Il y a Isabelle qui nous a rejoint, qui m'a aidé, qui est chorégraphe, et qui a dansé aussi ce soir, et qui m'a aidé, parce que évidemment, moi, je n'avais pas les armes pour dire à mes comédiens comment danser. Et Isabelle avait les armes, elle. Enfin, les mots. Pour, voilà, donc elle nous a assistés, elle continue de nous assister, elle l'a même ce soir, pour la première fois, dansé, quand le Bollywood en doré, parce qu'on a un comédien, Robert Attizi, qui était malade. Donc elle a fait ça au dernier moment, hier. Donc voilà. Moi j'ai une question. Je vous écoute. En fait, c'est quoi le sens de l'histoire? Enfin, je sais pas, mais ça va dans tous les sens, donc moi j'ai pas trop compris en fait. Ouais. Je comprends, moi aussi je comprends pas tout. Mais, on est deux, là. Ah oui, on est deux. Mais c'est bien de ne pas tout comprendre aussi. Mais après, de manière générale, je crois que quand on danse, c'est quand même multiple. Souvent, quand on voit les gens danser, il n'y a pas une histoire qui est racontée ou un sens précis. Là, pour le coup, je n'ai pas l'impression non plus totalement de m'éloigner des chorégraphes ou des pièces chorégraphiques. La danse a-t-elle un sens à ce point? Non, justement, c'est ça qui peut être vibrant ou étrange, qui peuvent être multiples. Après, notre histoire, c'est que comme il y a énormément de choses très différentes, des musiques très différentes, On a eu cette naïveté de penser qu'on voulait revisiter l'histoire de la danse en passant très bien par la valse, le zouk, le boléro, enfin tout ce qu'on a vu quoi. Comment ? Le lac des cygnes, le classique, la danse contemporaine. On avait envie de revisiter tous les standards. D'ailleurs, les musiques c'est un peu des standards. Enfin, il y avait cette chose un peu naïve de revisiter tous les standards comme ça et de voir comment on pouvait s'y plonger. Mais je suis d'accord avec vous, hein, ça raconte tellement de choses. Que, voilà. Mais je crois que la danse en général raconte beaucoup de choses à la fois aussi. Enfin, on raconte jamais qu'une histoire. Et puis surtout dans la manière de travailler aussi, que ce soit les spectacles précédents, il y a toujours énormément de choses. J'aime pas quand on raconte qu'une seule chose. Et j'aime pas beaucoup en tant que spectateur qu'on me dise ce que je dois sentir et ce qu'on me raconte et ce que je dois comprendre. Mais ça, c'est un rapport à l'art en général, quoi. J'aime bien que les sens restent ouverts et que vous aussi, vous soyez actifs dans ce que vous regardez, c'est-à-dire qu'est-ce que ça fait vous faire ressentir, qu'est-ce que cette musique que vous connaissez pourtant par cœur, le Lac des Cygnes, par exemple, la rencontre de quelque chose qu'on connaît énormément et ce qui se passe, ça vous rend actifs. Parce que si on parle Lac des Cygnes, vous avez plein d'images en tête. Si on vous parle d'un rock, si on parle de la Compagnie Créole, vous avez plein d'images en tête. Et c'est bien la rencontre de ça. Voilà, j'aime bien, moi, les musiques connues au théâtre. Une question sur l'improvisation. Oui. Quelle est la... Alors, on voit dans les textes que vous écrivez, et j'ai vu à peu près tous vos spectacles. Là, je suis venu de Poitiers parce que je n'avais pas vu ce spectacle-là. Je vous ai aussi vu, mais je n'étais pas allé exprès à Montréal dans une raclette que je n'avais pas vue. Voilà. Alors, dans une raclette, justement, ce qui est intéressant en matière d'improvisation, toute la première partie notamment, on sentait très bien que les chiens de Navarre s'adressaient à un public différent. Et là, donc, la part d'improvisation apparaissait, rapport peut-être à ce qui existait, évidente. Dans la danse, on le voit avec Thomas Simeka, on voit très bien, et peut-être avec d'autres exemples, la capacité d'accrocher le regard d'un tel et de faire un geste en fonction du regard d'un tel. Quand il y a un texte, comment ça se passe? Est-ce que c'est l'improvisation vient comme ça spontanément en remplaçant un mot par un autre? Est-ce que ça peut être plus important? Il n'y a jamais de texte chez nous. En règle générale, je pars pas d'un texte d'un autre, et ni même du mien ni même d'une autre. C'est-à-dire que ce que je propose souvent, c'est une thématique pour un spectacle et des situations après, et je les laisse improviser. C'est-à-dire que les acteurs sont auteurs eux-mêmes de leur propre... C'est-à-dire qu'ils dépassent l'interprétation, ils sont eux-mêmes auteurs de leur propre parole ou de leur propre danse, leur propre corps. Je pars toujours d'eux, de ce qu'ils sont, de leur nature. Comme disait un cinéaste américain connu, Cassavetes, qui disait « Je ne peux rien faire sans mes acteurs », il laissait beaucoup s'y improviser. Et donc, parce que moi j'aime bien... je trouve que les acteurs sont meilleurs écrivains, sont meilleurs auteurs que les auteurs sont acteurs. Mais enfin, ça c'est un vieux débat. Mais... Non, si vous voulez, en même temps, il n'y a rien d'original à ça. Vous savez, j'ai pas envie d'être chiant en racontant l'histoire même ou la naissance même du théâtre, mais le théâtre grec, c'était ça. Vous savez, il y avait le peuple qui se rassemblait, et il y avait les poètes, les musiciens et les acteurs. Et le peuple, comme ça, se rassemblait, il lançait des thématiques, joie, la guerre, l'amour. Ils avaient un quart d'heure, comme ça, ils se rassemblaient pour préparer leur improvisation, comme la Ligue d'impro, d'une certaine manière. Et après, ils donnaient comme ça le spectacle. Donc, en fin de compte, dans l'improvisation, il n'y a rien d'original, presque. C'est plutôt originel. Et donc, cette manière-là de travailler, moi, je l'aime bien parce que ça crée de la vie. C'est très, très présent, c'est hyper présent. On ne sait pas s'ils incarnent un personnage ou pas, qu'est-ce qu'ils vont dire. Eux-mêmes, entre eux, ils ne savent pas. Ça donne de la vie, du vivant. C'est une manière qui n'a aucune originalité, mais moi, que j'aime. Et puis, ça interroge chez eux aussi. Ça les met plus en artiste qu'acteur. C'est-à-dire que quand je... Par exemple, sur les Armoires normandes, c'était sur l'amour, l'union. Voilà. Qu'est-ce qu'ils avaient envie de dire autour de ça? Enfin, leur parole m'est précieuse autant que leur nature ou leur jeu. C'est ma manière. Souvent, d'ailleurs, avec les chiens Navarre, on est accroché par des personnalités. Mais ça n'empêche peut-être qu'un jour je montrerai un texte. Mais disons que je combats plus ça parce que je viens du texte en étant acteur. J'aime tous les grands auteurs du théâtre. Mais souvent, ça me chagrine de savoir qu'on peut penser aujourd'hui que le théâtre ne passe que par le biais de la littérature. C'est complètement faux. C'est-à-dire qu'avant tout, il est archaïque le théâtre, il est cathartique. Il passe d'abord par les acteurs qui parlent, qui miment le roi. Et il est devenu, avec son embourgeoisement, un peu par le biais de littérature. Quand j'étais plus jeune, j'étais toujours choqué quand j'étais au conservatoire et qu'on avait envie de faire un truc entre nous, entre copains. Tout le monde disait, alors qu'est-ce qu'on monte comme texte? Comme si, obligatoirement, on devait passer par la nécessité d'une parole d'un autre pour exprimer la nôtre. Nous aussi, on a des colères, des désirs, on a envie de raconter des choses de notre société avec rire, sans rire, mais on peut passer par nos mots. C'est une autre forme d'écriture, c'est une écriture de plateau, c'est une écriture collective. Mais j'ai pas besoin de passer... Pour raconter mes colères, mes peurs... Les choses tristes, j'ai envie de passer par notre propre parole. Moi, je porte une parole commune. Et évidemment, nous, par contre, on raconte des choses qui peuvent nous atteindre, qu'on a envie de vous raconter, une vision avec le rire. Voilà, on raconte des choses tristes ou injustes avec le rire. Ça, c'est par contre, c'est notre esprit. Je ne sais pas si ça répond. J'ai répondu plein de choses. C'est sûr qu'autour de l'improvisation, c'est magnifique. Et en même temps, on n'improvise pas pour improviser. Ça ne nous intéresse pas non plus. Parce que l'impro pour l'impro, ça va vers des gouffres qui ne nous intéressent pas. En fin de compte, nos spectacles sont des canevas, des improvisations cadrées par la mise en scène, des situations, une thématique, ce qu'on raconte. Oui, c'est davantage autour de ça que je me posais la question du fonctionnement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un acteur qui, d'un seul coup, peut se mettre à déblatérer pendant 10 minutes alors qu'il a été prévu qu'il ne fasse... Non, pas à ce point. Oui, mais j'entends. Caricature. Mais il y a eu des choses comme ça, mais pas à ce point, parce que Il y a cette possibilité-là parce que tout est possible. Moi, dans ma situation, c'est assez particulier parce que je suis un peu un chef d'orchestre. Et je cherche finalement au fond, c'est toujours cette espèce de dilemme, j'essaie de dompter l'indomptable. Parce qu'en en fin de compte, quand ils jouent les Armoires Normandes ou quand je pense, peut-être pas celui-là, quoi. Mais tous les soirs, ils ont telle situation, tel rôle, mais ils ne savent pas trop ce qu'ils vont se dire. Donc moi, à l'intérieur, je suis un peu le maître du rythme. D'ailleurs, pour arrêter les situations où ils peuvent improviser, sachant que tous les soirs, ils sont cadrés, ils font les mêmes personnages, j'envoie des lumières de la régie, par exemple, pour dire on passe à un autre tableau. Ouais. Pour montrer une chose, par exemple, de notre connexion entre comment ils sont sur le plateau et moi là-haut. Et est-ce que je peux demander à l'acteur que je ne connaissais pas comment on s'intègre dans un spectacle des chaînes Nava? C'est quoi la question? Comment on fait pour s'intégrer dans un spectacle des chaînes Navarre si on n'a pas été à l'origine ou si on... Ben moi, c'est un petit peu particulier parce que j'en connais beaucoup. Et j'ai commencé il y a longtemps à faire du théâtre avec certains d'entre eux. Donc déjà, c'est un peu biaisé parce que, et que je les connais même en tant que spectateur, mais depuis leur toute première création. D'accord. Voilà. Donc... Alors, Cédric, je dois aussi le présenter parce qu'il a remplacé un autre acteur qui est malade. En même temps, je peux vous en parler puisqu'on est entre nous, mais il nous est arrivé quelque chose de terrible. C'est-à-dire qu'on a eu deux de nos acteurs qui ont été hospitalisés à 48 heures près. Ah oui. Un pour un AVC et un pour... ce soir, pour nous, c'était très particulier parce qu'on a eu trois acteurs et Isabelle qui ont repris. Quasiment, nous avons trois de nos acteurs qui ne sont pas ceux qui ont créé le spectacle, qui n'étaient pas là. Et on a su ça il y a 4-5 jours et on a tout fait pour vous présenter le spectacle. Enfin voilà, c'est des conditions très particulières. Bon. Merci. Voilà, et notamment Cédric, Mathias qui peut nous rejoindre. Viens Mathias, parce que tu fais un... qui est pareil, que j'ai appelé il y a 2 jours et qui est venu haut la main. Voilà. Mais ça fait partie aussi de notre manière de travailler. Il y a Manu aussi, viens Manu. Tu vois ça. Donne-moi ça. Non, moi, je ne suis pas tout nouveau dans la compagnie, mais ça fait toujours plaisir de voir un peu d'avoir du sang neuf. Alors, Manu, il était à l'origine même du travail aussi. Mais c'est vrai qu'on a vécu quelque chose de particulier. Mais bon, je ne sais pas si je vais le dire ou pas, mais en même temps, bon, ça se croise. Et voilà. Et donc, évidemment, on était très fragile parce que vous comprenez bien... Enfin, que reprendre des rôles, des danses en 3 jours, c'est quelque chose. Mais voilà, donc Cédric. Oui, moi j'avais une question sur l'improvisation. Vous avez largement répondu. Merci beaucoup. Je suis surprise que vous disiez que les uns et les autres ne sont pas danseurs, parce qu'il y a vraiment des passages magnifiques. Félicitations. Et puis j'ai vu les Armoires Normandes l'an dernier, et effectivement, je me demandais, le collectif de comédiens que vous êtes est assez nombreux, parce que je n'ai pas reconnu beaucoup de monde des Armoires Normandes ce soir. Donc voilà, je me demandais combien vous étiez finalement au total. Avec les Armoires Normandes, nous sommes 10. Et déjà dans les Armoires Normandes, il y avait 3 nouveaux. C'est compliqué. Là ce soir, c'est vrai que ça doit être un peu perturbant parce qu'avec ce qui nous est arrivé. Si vous voulez, même la moitié était donc Caroline Binder, Anne-Élodie Sorlin, Thomas Simeka, Manu Lascar, ça fait 4, et Céline Führer, 5. Et là, on était 9, c'est ça, ouais, 9. Donc, vous voyez, et il y en avait 4 qui n'étaient pas là. Et alors, quand je pense, ça, c'est l'équipe, la plus vieille équipe, donc quand je pense qu'on va vivre ensemble, avec les Armoires Normandes que vous avez vues, il y en avait 3 nouveaux en plus. Ah, c'est ça. Donc, c'est vrai que, bien que depuis 10 ans, on est à peu près la même équipe, je dis bien à peu près, depuis quelques années, on ouvre un petit peu parce qu'on a peur de la sclérose, tout simplement. Enfin, y a un moment, on aime bien inviter d'autres mondes. Alors c'est vrai qu'il faut faire attention parce que sinon, on pourrait, comme tout le monde reste, on ne pourrait pas qu'on finisse à 15-20. Mais effectivement, il y a justement entre les Armoires Normandes et le spectacle que vous avez vu ce soir, effectivement, il y a plein de nouvelles têtes, oui. Mais il faut demander à Jean-Joël de mettre les premiers spectacles avec, comment dire, les... Bah vous êtes tous d'un excellent niveau, donc on n'est jamais déçus, merci. Non, mais on a eu 5 spectacles, on était les mêmes, et puis depuis 2 ou 3, les têtes changent un petit peu, mais en même temps, voilà. C'est difficile de répondre parce qu'il y a plein de circonstances là. Oui. Bonjour. Bonsoir. Moi j'avais une question, c'était sur les masques. Oui. Vous utilisez beaucoup de masques et je voudrais juste savoir pourquoi. Dans les danseurs, dans celui-ci. Ouais. J'ai pas vu le reste. Mais. Bah, parce que j'aime bien la. Enfin, je sais pas, après, j'aime bien la monstruosité que ça dégage de chacun. C'est-à-dire que ces masques, ils sont un peu. Ils peuvent être drôles, mais ils sont effrayants à la fois. Ça les rend un peu plus monstrueux et ça décale un peu le réel. Et voilà, c'est juste presque une fascination d'enfant, quoi. Parce que dans les carnavals, quand j'étais petit, j'étais très effrayé par ça, les masques, les choses comme ça. Donc, j'ai toujours, je pense, cette fascination un peu horrifiée. Et puis après, il y a ces masques-là particuliers, c'est une référence à un cinéaste aussi qui utilise des masques, Harmony Korine. Voilà, je pense à des films comme Trash Humper. Ils ont exactement les mêmes masques, ils traversent tout l'Amérique avec ces masques-là en allant voir les plus racistes, les plus dégénérés des États-Unis. Donc c'est une référence très précise, parce qu'on a souvent dans notre travail des références cinématographiques, plus que théâtrales d'ailleurs. Mais voilà, c'est juste parce que j'aime les masques et j'ai l'impression que ça décale un peu le réel. Après, il y a des jeux dans le spectacle où ils commencent en masque, ils les enlèvent. Il y a plein d'allers-retours comme ça. J'aime bien voir ce que ça décale. D'accord, bah merci beaucoup. Mais non. Oui, si. Qu'est-ce qui se passe? Le bus, il veut partir, il veut pas le sortir. Montesquieu, il faut partir. Allez hop, Montesquieu. Merci. C'est vrai. Merci. Désolé. Mais non, mais... Merci d'être venu, Montesquieu. Merci. Merci. Il y a d'autres villes qui ne prendraient pas le risque d'amener des lycées. Donc on voit. Révisez bien parce que la pièce sera peut-être au baccalauréat. Si vous avez d'autres questions. Oui, moi. Oui, je vous vois pas. Là. Je sais pas où est ma gauche et ma droite, je suis dyslexique. Ah oui, voilà. Bonjour, je voudrais savoir pourquoi avoir choisi comme titre pour le spectacle « Les danseurs ont apprécié la qualité du parquet ». C'est pas vrai ? Je sais pas. Alors pour tout vous dire, on l'a pas créé ce titre-là. On l'a trouvé dans une coupure d'un Ouest France. Et c'était la légende d'une photo où des vieux dansaient dans un bal. C'était l'ouverture d'une salle de bal, et il y a des vieux qui dansaient, et il y a marqué « Les danseurs ont apprécié la qualité du parquet ». Et j'ai trouvé ce titre formidable. Voilà, donc j'étais obligé de... Il ne faut pas mentir, on ne l'a pas créé ce titre. C'est Ouest France. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Vous venez de parler des monstres oui. Avec les masques. Oui. Pourquoi vous n'avez pas mis des masques aux deux personnages qui sont sortis de l'armoire Parce que pour moi, c'était des monstres, en fait. Oui. Et vous avez dit que vous utilisiez les masques pour illustrer les monstres. Oui. Et donc, pourquoi vous n'avez pas mis des masques aux deux monstres qui sont sortis de l'ascenseur? Ah, parce que j'aime bien le blanc, tout blanc, et avec le sang qui sort, j'aime bien l'image que ça donne, un peu japonaise, un peu manga, mais encore, ça c'est ouvert à chacun. Et que j'aime bien la... voilà, c'est chiant parce que je réponds j'aime bien. Donc, mais la blancheur est une autre forme de masque. La peinture dorée que porte Isabelle pendant cette... C'est une autre forme de masque, la peinture. Il y a plusieurs formes de masques. Après, je ne vais peut-être pas rentrer dans le débat, mais presque une paire de lunettes, c'est un masque déjà. Donc, là, ce qui m'intéressait, c'était de peindre tous les corps. Mais c'est une bonne suggestion. Et j'avais une deuxième question. Oui. Au niveau des danses, en fait, j'avais l'impression que on avait l'impression, même au niveau des danses, quand elles faisaient des claquettes. Oui. Et au niveau du piano, quand l'acteur jouait du piano. Le pianiste. on nous faisait croire en fait qu'il jouait, enfin, on voyait qu'il jouait pas de piano, sauf qu'on avait l'impression qu'il connaissait quand même les touches. Ah, c'est tout l'art de Thomas Simeka. Et donc, est-ce qu'il y a une recherche de rupture entre la synchronisation et le décalage? Oui. Oui, oui. Oui, oui, il y a, c'est une multitude de décalages, oui. Et ouais, c'est qu'on aime quoi bien. Le but? Le but, bah, c'est décalé. Mais non, il y a très peu de... j'aime bien, enfin, on aime bien le décalage. Enfin, même le décalage musical, le décalage technique. Parce que ça offre la... De temps en temps, c'est synchro, de temps en temps, ça ne l'est pas. Enfin, c'est les allers-retours comme ça qui sont un peu perturbants, mais que nous apprécions, je crois. Oui. Et quand vous travaillez, c'est sérieux ou c'est la déconnade ou... C'est les deux. C'est les deux. C'est un peu des deux parce que si on déconne trop, on répète, on fait du... C'est connu, ça. Hein. Quand on fait rire, a priori... Si on déconne trop, nous... il y a un moment, vous seriez peut-être oui, curieux dans un premier temps, oui, mais étonné de voir comment on peut être très sérieux pour faire rire. Enfin, même si ce spectacle-là ne fait pas rire tout le temps, parce que ce n'est pas le but non plus. Et puis bon, là, il y a rire et rire. Mais c'est un grand labeur, l'improvisation même. Et c'est un grand labeur, mais c'est vrai que on aime bien l'idiotie quand même. Enfin, on est quand même des grands cancres, des grands idiots. Quand on est quand même ceux qui étaient au fond de la classe, il y a un côté cancre chez nous. C'est ça qui nous a unis d'ailleurs à un moment. C'est ce, même si c'est des personnalités très très différentes, les chiens de Navarre, il y a juste cette. On transforme un peu nos colères en rire, quoi. Quelque chose de. Le rire nous unit, ouais. Un même rire, même si chacun rit différemment, mais il y a un même rire. Et effectivement. On va pas, on aime vraiment déconner énormément, mais on peut pas faire que ça quand on, enfin, on pourrait, après tout, mais comment dire, obligatoirement, on... bon, je sais plus quoi dire. Si tu veux répondre, si vous voulez répondre sur le rire. S'il vous plaît, merci. Je trouve qu'il y a une simplicité qui se dégage de vos spectacles, même quand il y a de la parole. Et même si on ne comprend pas tout. Et c'est bien ? Moi, je trouve que c'est bien, c'est pour ça que je reviens. Et justement, la liberté que vous avez de nous livrer votre simplicité d'expression, ouais, et tous les talents qui vont avec, je me demande jusqu'où on peut aller. Jusqu'à Cergy, déjà ? Oui. Non, oui, j'entends bien. Mais plus on débride de l'art, parce que c'est un art, ce que vous faites, je m'interroge, et je vous interroge aussi un petit peu là-dessus, jusqu'où on peut aller ? C'est-à-dire que vous voulez dire qu'on fait un peu de l'art brut ? Ben, il y a de la simplicité. Si j'essaye d'entendre, parce que peut-être on va pas être d'accord sur la définition du mot simple, c'est pour ça. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a des. C'est plutôt brut, non ? Non, c'est. Enfin, je connais pas assez l'expression. Moi non plus. Donc, je vais pas me mêler là-dedans. Mais j'ai l'impression d'être dans une cour de récréation des fois, et que l'art naît de cette cour de récréation. Mmh. Et je me demande jusqu'où on peut aller. Et moi aussi, ouais. Non, c'est pas une esquive, mais après j'ai l'impression que c'est un vaste débat parce qu'il faut être. C'est quoi la simplicité ? Enfin, en règle générale, on passe son temps à être très complexe pour arriver à une forme de simplicité, même dans la vie de tous les jours, même dans la manière de réfléchir. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous savez, les génies, paraît-il, c'est ceux qui sont les plus simples. C'est-à-dire que pour arriver de A à Z. En règle générale, nous, pour aller de A à Z, on fait toutes les lettres. Et les génies vont directement à Z. C'est simple. Parce qu'il paraît que c'est les plus... C'est la simplicité. C'est pas une forme de paresse, mais c'est aller droit à ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils désirent, ce qu'ils veulent raconter. Alors, je pense pas en même temps que votre question est liée à ce que je réponds. Mais parce que, en tout cas, moi, je le prends positivement. Que vous recevez ça de manière qu'il y a une simplicité de propos et de forme, et que c'est reçu de manière un peu brute. Ça, c'est nous, ça nous définit. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pour répondre, c'est un peu intello peut-être, mais pour répondre, il faudrait dire qu'est-ce que c'est que la complexité ? Qu'est-ce que ça veut dire être complexe après ? Enfin, pour raconter des choses. En tout cas, si c'est la complexité auquel je pense moi, ça m'effraie un peu. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que j'arrive pas toujours pas à comprendre ce que c'est que la simplicité. La simplicité comme les enfants, vous avez parlé de cours de récré. Oui, c'est-à-dire que dans les. Vous parlez que de ce spectacle ou de tous les autres en général ? Plus particulièrement de celui-ci, parce que je trouve qu'il y a une diversité de mouvements avec, avec la musique, l'association musique et danse. Oui. Et je trouve que c'est la musique, elle est intemporelle, d'accord. Et l'art que vous nous montrez, c'est une expression présente. Et je me demande jusqu'où on peut aller dans cet art-là. L'adéquation entre la musique intemporelle et plus particulièrement là sur la danse que vous nous exprimez. Mais je comprenez pas la question. J'ai pas de réponse. Non, mais c'est pas pour. J'ai pas de réponse. Vas-y, à moins que Cédric. Non, mais je pense que déjà c'est l'envie de le faire. Enfin, à partir du moment où les Chiens de Navarre ont plus envie d'être de faire des spectacles comme ça, ils en feront d'autres. Enfin, voilà, et peut-être, comme disait Jean-Christophe, il montrera peut-être des textes. Et c'est vrai que ce que disait Jean-Christophe sur le fait que, effectivement, dans les spectacles des Chiens de Navarre, il y a beaucoup de choses drôles et a priori peut-être un petit peu simples, mais qui, pour travailler avec eux, le travail se fait avec pas beaucoup de complexité, mais avec beaucoup de réflexion, passe par beaucoup de choses, c'est du vrai travail, même intellectuel, mais parce que c'est passionnant et parce qu'il y a l'envie. C'est pour ça que je trouve que ça rejoint l'envie. Et donc voilà, et après c'est de l'amusement. C'est parce que tous les comédiens dans les Chiens de Navarre s'amusent, et prennent du plaisir. Peut-être, je ne sais pas si ça répondra à votre question, mais sur la manière de travailler qu'on a, c'est que quand on commence une thématique, on a envie de monter un spectacle. On n'a pas de texte. Disons que, par exemple, on veut raconter, je pense, sur les amarres nues, l'amour, l'union. Quand on commence les premiers jours de répète, on improvise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de brut, d'instinct, d'impulsion. Allez, on essaye, on fait 10 impros, 15 impros, 20 impros. Mais il y a toujours un moment où on réfléchit sur ce qu'on vient de faire pour savoir est-ce que ça, on garde. Est-ce que ça, on ne le mettrait pas au début du spectacle. Ça, après. Et là, de manière inévitable, on fait comme tout le monde. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on réfléchit à ce qu'on vient de faire de manière pulsionnelle sur le plateau, la pensée arrive, la réflexion, et donc la dramaturgie. Donc en fin de compte, il y a un travail peut-être plus secret, malgré l'aspect simple, mais il y a justement, c'est pour ça qu'on passe par beaucoup d'étapes complexes pour arriver à cette forme de simplicité. Au fond, même si peut-être vous le percevez comme ça, il ne faudrait pas croire qu'on est juste dans une cour de récréation, d'une certaine manière. On commence comme dans une cour de récréation, mais après, on réfléchit pour y rester. Merci. Moi, je voulais juste dire que ce débat ne m'ennuie pas du tout, mais je n'ai plus l'âge de mes rôles et il faut que j'aille reposer mes jambes, je suis désolée. Une dernière, si vous voulez. Bonsoir. Il y a quelque chose que j'ai trouvé absolument génial aussi dans le spectacle, c'est l'ouverture directe sur l'extérieur. Je trouvais que ça apportait une dimension, enfin, c'est quelque chose, vraiment quelque chose de super. Et du coup, je me demandais, parce que toutes les salles n'ont pas un accès direct à l'extérieur, donc je voulais savoir si c'était quelque chose qui était pensé quand même, si c'était vraiment un hasard de la salle, ou voilà, est-ce que vous recherchez des salles où il y a cet effet-là qui est possible ou pas ? Pour ce spectacle, oui. Mais j'adore toujours aussi, et je crois mes camarades aussi, on adore dès que le réel surgit sur un plateau, ne serait-ce que tout d'un coup on regarde autrement un rond-point. Ça c'est toujours là. Mais j'adore ce. Tu veux dire quelque chose, Manu? Je te sens venir. Non, mais si vous voulez, pour ce spectacle-là, c'est vrai qu'on a une demande spécifique d'avoir un... Mais dès qu'on est en tournée pour d'autres spectacles, moi, dès qu'il y a une porte et ça ouvre dehors, je vais automatiquement m'adapter. J'adore ça. C'est pour moi toujours un régal de voir une porte s'ouvrir sur... c'est une ouverture, quoi. Je trouve que... Voilà. Là, oui, effectivement, ça tombe bien. Ils sortent tous au milieu des voitures, mais c'est un... Et un plaisir presque personnel. Est-ce que demain soir, il faut qu'on aille voir le spectacle de l'autre côté de la salle ou pas? C'est possible. Mais ça va être court parce que c'est pas tout le temps ouvert. Allez, une dernière. Bonsoir, bonsoir monsieur, bonsoir messieurs, dames. J'avais une simple question. J'ai vu que vous organisiez des stages et j'étais très très curieux parce que j'avais une copine qui était intéressée de savoir comment ça pouvait bien se passer avec les chiens de Navarre. Comment ça peut bien se passer? Souvent ça se passe bien. Et on les amène à notre manière de travailler, c'est-à-dire ils arrivent et ils n'arrivent pas avec eux-mêmes, ce qu'ils sont eux. Donc non, ça se passe différemment parce que j'ai pas, ou mes camarades n'ont pas de méthode précise. Comme on part de comment sont les gens, ça s'improvise aussi d'une certaine manière. C'est d'ailleurs toujours une angoisse pour moi de prendre par exemple des stages d'école. Parce qu'on me dit, tu vas faire un stage pendant 4 semaines, est-ce que ça t'intéresse? Je dis oui, il faudrait qu'il y ait un spectacle de sortie. Là, je dis non. Pourquoi? Parce que s'ils n'ont pas envie de parler, s'ils n'ont pas envie de raconter les choses d'eux-mêmes, il y a des acteurs qui ne veulent que passer par un auteur. S'ils n'ont pas envie de se raconter, s'ils n'ont pas envie de se livrer, comment je fais? Je ne peux pas vous garantir un spectacle. C'est bien là aussi une forme de... Vous comprenez ce que je veux dire? Mais souvent, ceux qui viennent au stage, ils savent déjà, ils ont vu un spectacle, ils savent déjà qu'ils vont devoir se livrer, improviser, tenter quelque chose, quoi. Merci pour elle. Merci pour elle? Pour ma copine. Est-ce qu'elle y va au stage? Oui. D'accord. Du coup, j'en profite, vous nous offrez la conclusion sur un plateau pour annoncer le stage donc, du 17 au 22 avril au Théâtre des Arts à Cergy. N'hésitez pas à vous inscrire. Oui, tout à fait. Merci à vous. Hein.